J'ai mon bide dans la planète, ça pèse ma chérie, j'suis plus en Europe. Tu m'en fous tes fesses, j'vais toucher du mot. Tous tes preuves sont, les voisins veulent que j'coupe le son. Tous tes preuves sont, tous tes preuves sont. J'ai mon bide dans la planète, ça pèse ma chérie, j'suis plus en Europe. Je m'en fous des fesses, je vais toucher du mot. Tous tes bretons, les voisins veulent que je coupe le son. Tous tes bretons, hey, tous tes bretons. Allo, allo, allo, c'est pour faire du sale qu'on m'appelle. J'viens du 9-3 de double 0. Kalashnikov, viens, on t'accueille. Ils traînent pour des Savastano. Dans la ville, c'est eux qu'on raquette. Tu as deux doigts de manger les couverts. Quand il reste plus rien dans l'assiette, je veux plus voir sa chenèque depuis en bas. Chez moi tu m'harcèles. Elle sait que je suis le professeur, mais elle tombe dans le panneau comme Raquel. Non, non, laisse-moi faire de l'oseille pour le moment. J'suis chez 109 Record Banks. J'ai mon bis dans la part des impètes. Ma chérie, j'suis plus en l'eau. J'm'en fous des fesses, j'vais toucher du mot. Du mail, l'ovni pèse ses mots. On plante plus à s'aimer dans la merde dont c'est mis. Un 3 c'est crapuleux, ça part charcler en semi. Tu fais un demi, au rond-point de bandole. J'avais du shit sur moi, j'avais bu un peu de bandole. J'ai décapoté, je me suis garé, je pistais les étoiles. Poto, tu me dis des choses bizarres, je sais plus si c'est toi. Un jour on sait tout, ça peut aller vite, fils. Un jour tu dis des bêtises et l'autre c'est le calibre qui te fils. Photo, je fais pas de tease, désolé mon ami. De toute façon, bientôt tu me vois plus, chérie, vers Miami. T'inquiète, t'as des soldats si tu me cherches des ennuis. Fais-moi du mal, ils te retrouveront même si tu t'enfuis. Le 16 me chauffe, tu es assis, dire à gauche j'en ai assez. Je comprends vraiment plus rien, faut le ciseau laver assez. C'est pas ma faute, c'était gentil que j'avais les yeux fermés. Tu veux t'emparer de la ferme, faudra passer sur le fermier. J'ai pas de muscu, mais le game je le bouscule. Froid comme à Moscou, MC crie au secours. Grâce à comme Pascal, je conseille le jeune Pascal. Je me deviens un casse-couille, je t'entends le sous-pasta. Raconter ce craint, il les dira à tous. Après, je fais des remix, après, ça fait des rics. Sur ton cul, les fédéraux, rien à voir, je fais des rimes. Je rappe à m'en faire des rimes depuis les 14 fédéraux. Dieu merci, j'ai fait des ronds, moi j'ai jamais fait des ronds. Pour du shit, ça fait les races, fille cachée comme des scélérats. J'ai fait plein de tubes et des gros, je les ai jamais célébrés. J't'ai bu au check, j'étais bébé, maintenant ça y est, tu me joues le gros. La game, je conduis, je crève, j'ai la haine. Je crie dessus, mais bref, pour jouer, je fais grave la dalle. Y'a des armes, tu peux faire de la taille, du craft, ma gars. Hey, hey, tout est pressant. Hey, tout est pressant. Hey, tout est pressant. Tout est pressant. Tout est pressant. Tout est quoi? Tout est pressant. Merci Langilas. Et merci. Grosse dédicace. Et Bosch, Fleury, on est ensemble. Bosch, on est ensemble. Saint-Denis.